Bonsoir à tous, je suis Lucie Fuyaka, capitaine de l'équipe d'Australie et je suis en direct de Tokyo. Notre sélection n'a pas été qualifiée cette année, mais je suis heureuse de pouvoir être ici ce soir en compagnie de mon collègue Ludo Temé. Et bonsoir aux auditeurs très nombreux de Otaku Radio Live. Nous sommes tous encore sous le choc de la révélation, mais pourtant, c'est bien vrai. Nous assistons aujourd'hui au tout dernier match d'Angelic Killer tel qu'on le connaît. Oui, nous savons que de nombreuses personnes n'ont pas eu le courage de venir à cette finale. La foule de non-otaku était déjà rassemblée dès midi pour bloquer les entrées. Mais la police japonaise a tout de même pu dégager une voie pour laisser passer les spectateurs. Les tragiques scènes qui se sont déroulées cette semaine ont eu de terribles conséquences quant à la diffusion de notre sport favori sur les chaînes pour otaku, du satellite et du câble. Et c'est déjà un record d'auditeurs à notre radio. Merci à tous. Les journalistes du monde entier, aussi bien otaku que casque, sont venus assister au match. C'est un événement majeur pour notre société, pour nous, les otaku, qui avons toujours vécu reclus. Reclus, mais pas non plus cachés, c'était le cas jadis, mais à présent, des accords et des échanges commencent à pointer le bout de leur nez. Beaucoup d'efforts sont faits de chaque côté, et l'on espère vraiment que rien ne détruira ce début de dialogue. Attention, les deux équipes s'avancent sur le terrain, c'est parti pour la finale de la 424e Coupe du Monde d'Angelic Killer, et voici les mascottes. Pour les États-Unis, voici le célèbre groupe de cosplayers talentueux Zantetsu, venant de New York dans une prestation superbe du manga Maggie. Ils sont applaudis chaudement par la tribune réservée aux mangaka. Et maintenant, les moines guerriers tibétains nous en mettent plein la vue avec leurs arts martiaux. Et voici les joueurs avec pour les États-Unis Jill, Morgan, Choco, Angel, O'Neill, Bobobo et McMahon. Et pour le Tibet, malgré le choc de la dernière rencontre, nous avons toujours Linji, Fei, Xiaoyu, Bu, Jagi, Shadow. Attends, regarde, c'est incroyable. Le speed jumper qu'ils ont débauché, c'est le grand, que dis-je, l'incroyable Wingman Lukum. Konbanwa Nihon. J'espère que ma belle Elmiton me regarde. Je vais attraper le Kintama et remporter la coupe. Aussi vrai que je m'appelle... Wingman Lukum. J'ai déjà joué contre lui et croyez-moi, ce n'était pas une mince affaire. Le Tibet n'avait pas de remplaçant pour Yuan, alors j'imagine que la Fédération a accordé le poste à Lukum même s'il n'est pas tibétain. Oh là là là. J'aimerais tellement commenter ce match. Mais la prod a insisté pour... Pardon, je voulais dire que nous allons laisser notre place de commentateur de façon totalement amicale à une célébrité qui nous fait l'honneur de sa présence. J'ai bien évidemment nommé Hachipawa en personne. Quant à nous, on se retrouve en fin de soirée pour la remise des prix. Et salut à tous les otaku, c'est Hachi. Merci à vous, Mademoiselle Bouyaka et Monsieur Temé, je vais prendre le relais. Ce soir, c'est la finale de la 424e Coupe du Monde d'Angelic Killer. Et Dieu sait qu'on l'a attendue, celle-là. Figurez-vous que j'étais dans les tribunes lors de la 422e finale, mais j'ai l'impression que mon cerveau a totalement oublié ce qui s'est passé avant l'attaque des Hellboys. Je m'ambiançais, tranquille, comme ça, dans les tribunes, un flash de lumière et puis... Plus rien. Ouais, c'était frustrant. Mais maintenant, ce soir, c'est États-Unis contre le Tibet. J'espère que ce sera un match à la hauteur de la petite finale. Et en espérant que ça se passe sans accroc. Perso, je n'ai jamais vraiment commenté de match et j'ai joué en tout et pour tout, genre une seule fois à ce sport. En plus, vu que la cave va être complètement remodelée, j'aurais plus l'occasion d'en refaire maintenant que j'y pense. Mais on va s'essayer aux commentaires quand même, ça va être marrant. Cela dit, j'ai une petite expérience en radio avec le Kamisama Show, et puis il m'arrivait souvent d'écouter mon oncle Venom encourager son équipe de foot favorite depuis une fenêtre ouverte. Enfin, ça tombait souvent dans la vulgarité, je dois dire. Dans les gradins, nous avons de nombreuses célébrités. Il y a des artistes, des sportifs bien confinés derrière des grandes vitres pare-balles et accompagnés de multiples gardes du corps, avec tant de protection tu m'étonnes qui se sont pas privés de venir. Je vois par exemple que dans la loge du milieu haut, nous avons une invitée de marque. Et oui, il s'agit tout bonnement de l'impératrice du Japon, Masako Owada, l'épouse de l'actuel empereur Naruhito. Bonsoir, je souhaite m'adresser ce soir à tous les peuples du monde, quelles que soient vos croyances, vos cultures, vos convictions. Le Japon, les otaku et moi-même vous respectons et sommes ouverts au dialogue. Nous ne souhaitons que la paix. Nous condamnons fermement les violences et les attentats de ces derniers jours. Les otakus sont pour le Japon un moyen de préserver notre patrimoine culturel. Et les quelques dissidents radicalisés ne reflètent pas la réalité du quotidien. Ensemble, luttons contre ce groupuscule, afin que nous retrouvions un monde dans lequel tout un chacun pourra vivre en bonne entente. Merci, et bonne finale à tous! C'est un message fort hein, pour la communauté et pour le monde entier. Par contre, si on pouvait dégager les mascottes maintenant, ce serait pas mal. Hein. Je suis pas spécialement fan de furry. Alors, du coup, d'après ce que j'ai compris, les commentateurs des précédents matchs sont répartis dans différentes loges et ils ont des téléphones fixes pour pouvoir me contacter moi. Alors, je vois pas l'intérêt, mais bon, bah, pourquoi pas, hein, on verra bien. Salut Hachi, c'est Wan. C'était juste pour savoir si ça fonctionnait vraiment cette histoire de téléphone fixe. Je suis avec Javel Ford Dumbanawa dans une loge. Il y a Harid aussi, mais on l'a foutu dans la loge à côté avec une vieille qui prend trop de place. Et il est déjà à moitié bourré. Ouais, je sais, on était ensemble cet après-midi pour visiter Tokyo. Enfin, les bars, surtout. Ah, je comprends mieux. Salut, Boa. Pour ma part, j'ose espérer que les joueurs seront fair-play ce soir. Et surtout que pour ce dernier match, les règles de l'Angelic Killer soient scrupuleusement respectées. Non, parce que jusque-là, hein, cette Coupe du Monde, c'était un peu magouille et compagnie. En même temps, c'est la dernière fois qu'on voit ce sport, donc au pire, si les arbitres font nimp, c'est pas super grave. Tiens, ça serait marrant si les joueurs faisaient tous les trucs interdits de la carte. Oh, dis pas n'importe quoi, gamin. C'est une finale, tout se doit d'être impeccable. Hey, salut Hachi, je suis super content de faire ta connaissance. On pourra faire un selfie ensemble? Ah ouais, on est avec l'autre, là, Kobe. C'est quoi ton nom de famille, déjà? Kazi? Kazé? Non, attends, Kobe Kazé? Pas Kazé, ni Kozi, ni Kazé. C'est qui c'est? Qui c'est Kobe? C'est qui, ça? Kobe! Je vais t'appeler Bibi. Ouais, c'est pas mal ça, Bibi! Et au fait, Hachi, qui est la deuxième personne qui va commenter avec toi? Justement, je sais pas, on m'a dit que quelqu'un devait arriver juste avant le coup d'envoi, hein, qu'il était un peu en retard, mais bon, j'imagine que c'est pour bientôt, alors... Bande de poltrons! Eh oui, c'est moi, Dracho Malfé! Eh ben, pas toi, Dracho. Aïe, mes mains! Le plafond est bas ici, j'arrive pas à lever mes grands bras! Ce soir, Poa, je vais enfin pouvoir montrer au monde entier que tu n'es pas aussi incroyable que tu le dis! J'ai rien à prouver, Malfé. Je te signale que la dernière fois, il y avait Sexy Tina qui commentait. Alors ouais, je suis désolé, mais j'espérais une chanteuse genre Todakiwaru, hein, mais pas toi, hein. Oui, allô? Eh, hey, coucou, Hachi-chan! Sexy Tina, c'est vous? C'est moi-même, contente que tu me mentionnes. On disait justement avec mon dadan, enfin, Dan Pei, mon manager, qu'on ferait bien un single avec toi. Avec lui? Mais il chante comme une casserole! Vous auriez dû le voir au cours du vieux vodkalise. On se marrait bien avec sushi et sashimi. Enfin, ça c'était... C'était avant qu'il s'immole par le feu. Le bon vieux temps. Je vous avoue que ça me remonterait le moral, monsieur Poa. Si j'avais votre accord, ça ferait au moins passer la pilule à mon boss pour le concert improvisé d'hier soir, quoi. Pour le coup, Dracho a pas vraiment tort. C'est pas spécialement mon point fort, les cours de J-pop. Bon, j'imagine que j'y réfléchirai. On s'en reparle plus tard. Prenez-moi plutôt que ce guignol! Quand j'avais 8 ans, mon père m'avait inscrit chez les petits chanteurs au sabre en bois. Ça faisait mal, mais au moins on finissait par chanter juste. On va pas leur infliger ça. Hein. Allô? Oui, bonjour, je suis à la loge 5A. Est-ce que ce serait possible de m'apporter une assiette de tempura, quelques gyoza, 4 ou 5 brochettes yakitori, et puis un bol de ramen aussi, s'il vous plaît? Je suis désolé, à mon avis, vous appelez pas la bonne personne, là. Allô? Ah oui, si vous pouviez aussi commander les udons de Tonton Yvon, ceux dont parlait ce cher Pegasus Yogurt l'autre jour. Ça m'avait l'air fameux. Non, mais je ne suis pas un livreur. Et puis un petit assortiment de nigiri, s'il vous plaît. Ça mange pas de pain. Oh, des baguettes. Mettez des baguettes. T'es bouché? C'est pas le bon numéro, l'ancêtre. Maintenant, on raccroche. Merci, mon ami. Vous me rajouterez une petite carafe de saké aussi? Bon, allez, ça suffit maintenant. Donnez-moi ce combiné. Oh, monsieur Devils, comment allez-vous? Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis au moins... Oh, raccroche-moi ce... Alzheimer. Quoi? encore ? Oui, allô, excusez-moi de vous déranger. Je suis désolé, hein, j'ai eu votre collègue il y a à peine 5 minutes et tout ça. Si vous pouviez aussi rajouter dans ma commande quelques mochi en dessert, je suis en loge 5A. Non ! Parfait, mon ami. Je vous remercie beaucoup. Bisous à votre femme. Il commence à me courir sur le haricot rouge, celui-là. Oui, bonjour. Allez hop, ça dégage ! Bon, on peut commenter ? Oh là, en plus maintenant j'ai la dalle. Ah non, mais tu vas pas t'y mettre ! Ah, enfin ! Le coup d'envoi est donné par l'arbitre en chef, Monsieur Miyagi. Et c'est parti ! Engagement américain par Bobobo vers Shoko, qui envoie au capitaine Chill, qui avance tranquillement. Il me semble que le coach Soccer Cyborg lui avait demandé de remplacer McMahon en tant que capitaine après les qualifications. Une stratégie qui leur a plutôt bien réussi, même si ça avait créé une petite discorde dans l'équipe de ce que j'avais entendu. Les shooters tibétains font déjà pression sur Chill. Ils connaissent son jeu et n'oublie pas qu'il est l'un des 7 sacrés du Brésil de l'équipe des Tofu de Sao Paulo. Ouais, même qui joue avec Roberto Ongo, c'est le coach de l'équipe des Albators à Jobar. Ils sont hyper balèzes. Chill envoie en rentrée sur Shoko, qui passe à Morgane. Elle avance un peu, mais le coup fait barrage. Même s'il n'est pas dangereux pour elle, il arrive à la déstabiliser juste assez longtemps pour que Jackie la rejoigne. Morgane est contrainte de relancer en arrière. Interception de Xiaoyu qui avait anticipé la trajectoire. Elle dribble en se rapprochant du but. Elle centre sur Faye, qui marque en tête plongeante. Ouverture du score pour le Tibet. Les joueurs se replacent et la partie reprend. Popopo fait un dégagement vers Phil, mais c'est trop long. Linji attrape le coiffe et le donne à Faye qui avance. Angel envoie un coquin vers lui, mais il parvient à sauter par-dessus. Pas mal. Faye passe la défense. 22 passes, il tire au dehors de la surface de réparation et ça passe entre les jambes de Popopo et but. 0 à 2. Ça enchaîne. Les États-Unis n'ont même pas encore réussi à passer au-delà de la ligne médiane. Et le Tibet s'empare de nouveau de la balle. Ça va trop vite. Linji envoie sur Faye qui marque. Et c'est le coup du chapeau pour Faye. On dirait que les USA ne sont pas vraiment dans leur match. Chill temporise, histoire de donner un peu d'air à son équipe, et que le Tibet se replace. Il va pas pouvoir rester en retraite très longtemps, mais il va falloir aller chercher le point. Morgane est à la réception au centre, elle accélère, mais Jackie Bayogrin lui envoie un coquard dans la tronche. Il est redoutable. Elle perd le voir, et c'est Faye qui s'en empare. Il charge, Shoko lui barre la route. Oh, Shoko essaye de lui enlever son armure de combat. L'arbitre siffle. Oh, mais y'a pénalty, là, bordel! Oh, c'est un coup irrégulier! Même que ça s'appelle un pince tunique! Un quoi? C'est quand on pince la tunique? Bref, c'est interdit! Ouais, ok. Linji va tirer ce péno, et Popopo réussit à le dégager! Pince tunique... Je m'en remets pas. Bref, Chill à la récupération. Il évite un cocard d'un éjecteur et repique dans l'axe sur Saori Morgan. Elle fait tourner sur Shoko qui change de flanc. Sur Chill à nouveau. Il tente un tir, mais ça passe au-dessus. Un peu trop de pression pour lui, on dirait, ce soir, pour cette finale. Alors comme ça, tu veux sortir un single? La pauvre Sexy Tina va voir ses ventes reculer. Bah, hey, figure-toi que j'ai déjà un groupe qui m'a contacté pour que je les parraine. Même que le parolier m'a dit que ça va être un album centré sur ma vie. Même qu'ils sont en train d'inventer un tout nouveau courant musical. Ça va s'appeler le Power Rock. I am power. Les pauvres auditeurs, je les plains. File-leur plutôt des paquets de choco-tambouille, ils souffriront moins. Ouais, c'est ça. Tu feras moins le malin quand tout le monde dans l'école connaîtra par cœur le refrain de... Ça fouette dans le dortoir des cobras. M'en fous de ta musique. Le Tibet a toujours l'avantage et marque un quatrième but par Linji cette fois. Moi, et ben mon père a engagé des artistes lyriques pour enregistrer un album sur ma vie. N'importe quoi. Ça s'appelle du Drash Opera. C'est quand même un autre niveau. Tu veux écouter? Bah, ça tombe bien. Jeff, tu peux mettre la piste 1 du lecteur MP3 que je t'ai filé? Celui où il y a marqué propriété de Sénil Lonzaba. Ouais. C'est pas comme si j'avais 1000 trucs à gérer pour la diffusion en direct. Drachon, c'est le plus beau. Racho un château, Racho et le galop. Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est qu'un début, mais ça a de la gueule, hein! Et sur le terrain, 5ème but tibétain! Une vraie déculottée! Mais les États-Unis tentent une nouvelle percée! Oula, je crois que je m'en remettrai pas. Bon, oui, donc Choco n'est pas marqué cette fois-ci. La défense n'a pas pu se replacer assez vite et on dirait qu'il peut foncer tout droit vers les cages gardées par Shadow. Le keeper tibétain a un skin assez particulier pour son ange, c'est comme une ombre. Et il porte plutôt bien son pseudonyme, faut dire. Mais Choco ne se laisse pas impressionner. Et il marque enfin l'ouverture du score côté États-Unis. Et c'est une reprise de volée de Shaquille O'Neal dans un cocard qui a frappé à bout portant Lingy dans le ventre. Ça s'est joué à peu de choses. Cela dit, le Tibet mène toujours largement par 11 contre 4. Mais Monsieur Miyagi siffle un pénalty pour jeu dangereux. N'importe quoi! Ah non là, hein, je demande l'arbitrage vidéo! Non, messieurs, dames, je tiens à signaler qu'il s'agit bien d'une faute grave. Écoutez ça, page 394 du volume 2 du manuel de l'Angelic Killer, coup volontaire dans un cocard à moins d'un mètre de distance. Bim! Ça devrait même donner lieu à une pénalité de 5 minutes, ouais. Oui, calmez-vous, Javelfort. On veut voir le pénalty. Ah ouais, la ferme! Eh oh, prends pas trop la confiance quand même, Bibi. Un peu de respect pour les Lyoks. C'est fait qu'il s'avance pour le jouer cette fois. Il se concentre et tire! Et il met la balle au fond des filets! Si ça continue sur cette lancée, les États-Unis ne pourront même pas rattraper leur adversaire avec les 15 points du Quintama. J'ai jamais compris cette règle, mais elle existe. Qu'il s'énerve contre son équipe! Il faut qu'il crée des espaces et qu'il trouve des solutions. Ils y vont en 1-2 avec Choco alors que Morgan reste en retrait. Qu'il se rapproche de l'axe. Choco a le boarf. Il fait face à Shiryu qui essaye de lui prendre la balle. Il esquive. Alors que Chill se retourne... Chill joint ses mains et Morgan fonce vers lui. Il la propulse en l'air de toutes ses forces. Wow, quel saut incroyable! Choco lui envoie la balle. Elle est maintenant une dizaine de mètres au-dessus du stade. Fait tant un saut, mais ça sera pas suffisant. Elle s'empare du bois et descend en piqué. Elle tire à mi-parcours et c'est dedans! Pleine lucarne! Shadow accuse le coup, mais honnêtement, la figure était impressionnante et la rafale était inarrêtable! Superbe action, il remonte à 5 à 12. Shadow engage vers Lingy qui demande à ses deux shooters de rester à ses côtés. Il monte sans ses coéquipiers Unbreakers. Buejagi lui ouvre la voie en faisant valdinguer Chill et Choco qui n'ont pas encore eu le temps de se replacer. Il arrive devant les filets des États-Unis, Angel s'interpose et le tacle! Et Monsieur Miyagi siffle encore! Et c'est encore une fois un coup irrégulier. Et là, c'est assez clair, c'était une balle de but, et Angel n'avait même pas de cocard. C'était purement pour éviter que Lingy ne creuse l'écart. Lingy va tout de même bénéficier d'un nouveau pénalty. Il choisit la droite, et Popopo écarte d'une claque. Ça part au loin, mais fait récupérer, relance sur Shaoyu, second poteau, et c'est dedans. Et voilà, 5 à 13, c'est un festival côté tibétain. Ah, le coach américain Soccer Cyborg demande un temps mort. Il enfile son casque spécial depuis sa zone, lui permettant de communiquer mentalement avec ses joueurs. Ah, enfin! Ça serait bien de changer de tactique! La pause durera 15 minutes, messieurs, dames. Mais surtout, ne changez pas de chaîne. Nos commentateurs Hashipawa et Drash Malfait vont vous divertir pendant ce temps. Ah, du coup, on est les seuls à pas prendre de pause, quoi. Je commençais à bien m'y habituer, là, aux commentaires. Au fait, je réfléchissais à un truc. C'est un pays, le Tibet, ou... Ouais, c'est vrai, ça. Je croyais que c'était juste une région de la Chine. On ne parle pas politique sur cette antenne, les collégiens. Le Tibet est une nation pour le sport d'Angelic Killer, tout comme la Chine qui a été éliminée en qualification. Mais à part ça, on ne se prononce pas. Ah ok, ça va, ça va. Et sinon, Dracho, justement pour parler un peu plus sérieusement là, je me demandais, c'est quoi ton avis sur le conflit israélo-palestinien? Ah bah justement, tu fais bien d'en parler. On en discutait avec mon père pas plus tard que ce midi. En ce qui me concerne, j'ai un avis un peu tranché sur la question. Alors en fait... Non mais vous vous foutez de moi les morveux. Bon, ça y est, j'en ai marre, on passe à la pub. Tu veux voir mon bon calibre? Je viens nettoyer tes plus grosses armes à feu directement à ton domicile. Envoie Harid, H-A-R-I-D, au 68258. Oh mais c'est quoi cette pub dégueulasse? Mais qui a validé ça? C'est vrai que Harid, c'est pas le plus fin, littéralement. Vous Bonsoir, ma chérie, me voilà. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Tu rentres de plus en plus tard en ce moment. Que veux-tu? Cette évaluation de la totalité du contenu de tous ces jeux vidéo hentai n'en finit pas. J'en ai ras le zingassa. Oh non, ne me dis pas que tu as encore ramené du travail à la maison. Désolé, mon amour, mais c'est de la faute de mon patron. Il m'a demandé de tester la qualité des goodies. Car nous allons en placer dans chaque boîte de ces jeux. Regarde ça. Mais c'est un préservatif? Oui, mais pas n'importe lequel. C'est un Wasabix. Oh, un Wasabix? Eh oui, mais je te préviens, ça pique un peu. Wasabix. C'est encore diffusé ce truc? Il était pas genre en prison, limitrove? Mais c'est un stagiaire qui a programmé les pubs, c'est pas possible. Eh mais attends, cette voix, maintenant que je la entends, ça me dit quelque chose. Ce serait pas le professeur Tomoe par hasard? Hein? Tu veux parler de la prof intérimaire de théorisation, Jobar? Mais non, c'est pas possible. En effet, c'est bien moi! Et on vous laisse toujours exercer? Écoutez, je vous rappelle que Jobar est détruite, et que ce n'est pas avec mon maigre salaire à la Gazette de Tokyo que je peux payer les factures. Ouais. Et vous, Arid, vous avez aussi perdu votre emploi à Jobar? Non, moi je participe à la reconstruction. Dites-moi, monsieur le génie de l'audition... Ingénieur du son. Oui, c'est ça. Avez-vous pu recontacter le fantôme de Jamus Dombenawa? Non mais, sérieux, vous êtes encore là-dessus? Bon, allez, juste un petit coup parce que c'était drôle. C'est du grand spectacle! Ce cher Jamus? Un grand otaku, ce Dombenawa. Bon, Malfe et Powa, je vous laisse meubler. Mais par pitié, vous restez tout public, d'accord? Merci, on aura tout entendu. C'est le light novel qui se fout de l'animé! Ouais, j'aurais pas mieux dit. Au fait, Powa, je sais que c'est toi qui m'as envoyé un ninja pour me kidnapper! Quoi? Mais pas du tout. C'est pas moi. De toute façon, t'as aucune preuve. Ah, si! Dracho. Pas de ta peau. Te fous pas de moi, le balafré! Mon père a dû payer ma rançon et je me suis fait engueuler en prime! Ça arrive rarement! Et il m'a interdit de jouer à Dead or Alive! Bon, ça par contre, je sais pas si c'est lié. Quoi encore? Bonsoir. Ah non, pas vous! C'est le ninja? Ah ouais, c'est vrai qu'il était commentateur la dernière fois. Du coup, c'est normal qu'il soit dans les loges. Je tenais à m'excuser pour l'enlèvement, mais vous voyez, les temps sont durs. Et mon maître Oniwaban a du mal à vendre ses bandeaux de ninja. Donc je dois l'aider à payer les factures. Non, je comprends. D'ailleurs, faudrait peut-être que je passe à sa boutique pour m'acheter un nouveau bandeau de ninja. J'ai brûlé le précédent. Vous avez fait quoi? Mais vous êtes un monstre! Vous allez vous calmer? Hachi n'avait pas le choix. Il était poursuivi par vous savez pas qui. Hé, hey, c'est toi, Will? Oui, c'est moi. Je me coltine le ninja encore une fois. Mais sinon, c'est un match sympa. Hein. Par contre, un peu à sens unique pour le moment. J'espère une remontada des Américains après la mi-temps. On se voit après. Ça marche. Dracho, ça va? Ninja. Oula, Ah bah tiens, on pourrait par exemple appeler la loge de l'équipe bulgare. J'aimerais bien parler avec le coach Fullbuster, et puis s'il est là, Dimitri Polyakov, le capitaine, quand même. Ouais, bonne idée. Ninja. Bonjour messieurs, c'est Hachipo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre au sommet pour le moment? Eh bien, je dois dire que je suis relativement déçu de cette finale, pour le moment. Surtout qu'il s'agit du tout dernier match d'Angelic Killer. J'avais espéré du beau jeu, mais ça va peut-être venir. Ceci dit, je suis content que Wingman Lukum soit de la partie en remplacement. J'espère qu'il sera à la hauteur. Il se trouve que c'est moi qui avais fait la demande à la fédération de l'intégrer à l'équipe du Tibet pour cette situation exceptionnelle. Ah, c'est ce qu'on aime, la fraternité entre les membres de la communauté otaku. Et vous, monsieur Polyakov, un petit mot? Oh, tout pareil que le coach, c'est... C'est bien, la solidarité otaku, tout ça, c'est très bien, très très bien. Ok, et pour le match? Tant du point de vue tactique que technique, le Tibet est supérieur. Les États-Unis devraient changer de stratégie. Et avec la fin de l'AK, est-ce que vous savez ce que vous allez faire par la suite? Non, pas encore. Je vais prendre un peu de temps pour moi, ma famille et mes... amis. J'ai l'habitude d'être interviewé, mais j'ai l'impression que l'inverse, c'est pas trop mon fort, on dirait. Hachi, c'est moi! Et Re-Wan. Et moi aussi! Ouais, y'a Bibi aussi. On est dans les vestiaires de l'équipe du Tibet. Ah, trop bien! Ouais, c'est trop de la boire de les voir en vrai. Par contre, il veut pas vraiment nous parler vu que c'est des moines, ils sont en pleine méditation. Il y a quand même Wingman Lukum dans le coin. Allons lui parler, Wan. Ok, ça marche. Salut, Wing. Alors, c'est la forme, on dirait. Carrément. Pouvoir disputer la toute dernière finale, c'est le pied. J'aurais pas cru que le coach Fullbuster soit aussi enthousiaste à me laisser jouer. Pour le moment, Netero Sensei m'a demandé de rester en retrait au début, histoire de faire durer le plaisir. Et ça n'a pas été trop difficile de vous adapter à la formation tibétaine? Le capitaine Linji m'a demandé de jouer avec mon cœur. Je dois dire que ça change radicalement par rapport à Polyakov. Je me sens bien plus détendu. Un peu comme à la fin du manga Haikyuu, quand Kageyama... Ouais, c'est cool. Allez, à plus. Ouais, à plus tard. Ah, au fait, j'ai cru voir Elmiton tout à l'heure. C'était bien elle? Oui, elle est dans notre loge. Super! Je vais me donner à fond! Mais sérieux, Miton? Enfin, je veux dire, Miton, quoi. Qu'est-ce qu'il lui trouve? En plus, il est beaucoup plus vieux qu'elle. Oh, baby, regarde, c'est le speed jumper Shoot McMahon. Monsieur McMahon, s'il vous plaît, on est de Otaku Radio Live. Ah, oh, putain. Bon, ils sont où vos parents, là? Oh! Hey, je devrais pas avoir géré ce genre de choses! On est des anciens commentateurs de Dakar. Et en plus, on connaît Achipawa. Oh bah ça recrute à la crèche maintenant, visiblement. Bon, vous voulez quoi? Un selfie? Ah ouais, c'est trop bien! C'est possible de se placer juste dans ce sens pour avoir Mademoiselle Morgane en arrière-plan? On voulait savoir ce que vous pensez de cette finale pour le moment. Il y a beaucoup de fautes de votre côté. Les Tibétains sont des concurrents de taille. On est bien obligé de muscler un peu notre jeu. C'est sûr que je m'attendais pas à ce que Lukum soit de la partie. Avec lui, toutes nos stratégies sont à revoir. Mais c'est la finale, il va bien falloir qu'on se batte jusqu'au bout. Allez, maintenant, filez d'ici, ça va bientôt reprendre et il faut que je prenne ma dose de... Enfin bref, cassez-vous. Merci. Wingman Lukum, Aka, bien se tenir. t'as compris, Wan? Aka, Angelic Killer? La ferme, Bibi. Quoi? Il était pas bien, mon jeu de mots? En tout cas, je me demande ce que ça va donner le renouveau de l'AKA. Bah, mon père a déjà précommandé les prototypes de la nouvelle version. Et normalement, on devrait les recevoir, dans à peine 2 semaines. Ouais, ça va être trop bien. Comme ça, je pourrais m'entraîner. Et comme d'habitude, je te dominerai. C'est ça, tu seras toujours aussi mauvais qu'en tant que speedjumper. Même si t'as le nouveau dispositif en avance. De toute façon, je suis toujours meilleur que toi en tout. Alors, t'auras beau t'entraîner... T'y crois encore? T'es dans ton monde, Powa! Tu vois les animés isekai genre Sport Art Online? Ceux où tout le monde est dans un monde virtuel? Quoi? Je serais dedans, c'est ça? Dans mon monde? Non! Toi, tu serais dans le monde réel, à vivre chez les casse-culs, alors que moi, je serais à l'intérieur! J'ai rien compris à ta métaphore. N'empêche, franchement, ça serait vraiment cool de vivre dans un monde virtuel créé par quelqu'un, en fait. Moi, c'est mon rêve. Mais qui te dit qu'on n'est pas déjà dans le monde créé par quelqu'un? Comme dans Matrix, quoi. Non, ça m'étonnerait. Ou alors le mec, c'est carrément le bordel dans sa tête pour imaginer un univers comme le nôtre. Ouais, j'avoue. En tout cas, je peux te prouver que je suis bien plus connu que toi. Tu vois, cet après-midi, je suis passé devant un lycée japonais avec Arid. Et il a enregistré une fille qui parlait de moi. Et Jeff, tu peux mettre le fichier que je t'ai passé tout à l'heure? Ouais, attends. Allô, monsieur Javelfort, j'imagine que vous êtes bilingue. Ce serait pas possible de traduire en direct, s'il vous plaît? Ouais. Ça tombe bien, j'avais que ça à faire. Achipoa nitsuite do omoi masuka. Hachi-chan wa jobaru no motto subarashi otaku desu. Amazing! Elle dit que le jeune Powa est le plus incroyable otaku de tout Jobar. Ah, tu vois? Ton témoignage vaut rien! Tu sais quoi, Powa? Je suis allé voir cette même écolière juste après toi, et voilà ce qu'elle a dit! Jeff, tu peux mettre la piste 2? Vous commencez à me saouler là, sérieusement. Ichiman, niman, samanen, arigato. Alors là, elle compte de l'argent, on dirait. Non, c'est un peu après. Eh, watashi no machigai, Drachokun wa jobaru de ichiban sugoku kawaii otaku da to omoimashita. Drachokun wa sugoi, amazing. Elle dit, je me suis trompé, je voulais dire en fait que Dracho est le plus beau et incroyable otaku de Jobar. Bon bah je crois que c'est clair comme ça. Chinamini, Sexy Tina wa saiko desu. Sexy Tina is world best singer. Et elle est fan de la chanteuse Sexy Tina. Ah mais c'est pas cette idole qui est dans une loge pas loin? Bon mais soyons sérieux maintenant, arrêtez de me faire traduire n'importe quoi les gnoches. Attends Dracho. Mais ça veut dire que tu m'as suivi toute la journée? De quoi? Non mais sérieux, vous pourriez prévenir plus tôt? Oh! Bon, les gars, désolé de vous couper, mais il y a un magicien qui passe maintenant. Un magicien? Nien. Eh ben oui, ben, c'était pas dans mon conducteur, mais apparemment, il y a un mec qui va faire un tour de magie au centre du stade. Je crois que c'est un pote du ministre de la Japatitude anglais ou un truc comme ça. C'est quoi le rapport avec l'Angélique Killer ? Mais j'en sais rien, il s'appelle... Robert. Robert Pigeonneau. Ah ouais, un nom qui pue le charisme, dis donc. Robert Pigeonneau, dit le roi de l'évasion fiscale. Tu parles d'un nom de scène ? Attends, c'est pas... Donnons-lui une chance, ça pourrait être intéressant, finalement. Chut, ça commence. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette finale d'Angélique Killer. Moi, c'est Robert Pigeonneau. Mais malgré mon nom, sachez que je ne ferai aucun mal aux oiseaux. Je suis ici à la demande du ministre Bradley Chairobot pour détendre l'atmosphère. Oh, il ne manque pas d'air, celui-là. Et soyez sans crainte, mon tour ne sera pas aussi sanglant que celui de Hisoka. Si on n'a pas la référence, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Tout de suite, mon tour de magie. Alors, je vais faire du mentalisme. Vous allez être ébahis. Alors, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 10. C'est bon ? Alors, multipliez-le par 2. Et par 2, puis vous ajoutez 8. Voilà, c'est fait. Alors, maintenant, divisez-le par 2. Oui, non, si, c'est ça, voilà, divisé par 2. Puis, vous retirez le chiffre que vous avez choisi au départ. Ça devrait vous donner un nombre entre 1 et 26 qui correspond à une lettre dans l'alphabet. Par exemple, 1 égale A, 2 égale B, 3 égale C, 4 égale... Et ainsi de suite. C'est vraiment trop naze, la magie. Hey, coupe ton micro. Alors, vous avez votre lettre ? Vous allez ensuite choisir un pays commençant par celle-ci. Et puis finalement, avec la dernière lettre de ce pays, vous choisissez un fruit qui commence par cette lettre. Ah, je sais à quoi vous pensez tous. Mais pourtant, les kiwis ne poussent pas au Danemark. Kiwi Danemark. Voilà, c'est tout. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. C'était Robert Pigeonneau. Vous pouvez me retrouver tous les samedis au Yamete Kudasai, le mérite café du chemin des perverses. Vous ne pouvez pas le louper, c'est pile en face des combats de rue. Et maintenant, je laisse la place aux joueurs qui reviennent des vestiaires. Oh la vache, c'était... non, définitivement, la magie, c'est pas mon truc. Allez, reprise du match. Merci, monsieur Miyagi, de nous libérer de ce moment gênant. Ah ouais, ça serait bien un peu d'Angélique Killer dans cette finale. D'Angélique Killer. Et engagement de Bobobo sur Morgan. Elle est en plein centre et avance à vitesse modérée. Angel et O'Neill la suivent. Ils veulent la protéger des coquards pendant que Chin et Choco restent en défense en cas de contre-attaque, comme on en a vu beaucoup dans cette finale. Le Tibet a anticipé et les Handbreakers n'ont pas bougé de leur poste. Il va être difficile pour Morgan de se frayer un chemin toute seule. Et oui, elle n'ira pas plus loin. Jackie fonce sur elle. Elle renvoie loin en arrière vers Phil. Encore une percée manquée des États-Unis. 9 à 15, les États-Unis sont enfin sur une pente ascendante après ces 3 buts à la suite, mais ne parviennent pas à maîtriser totalement leurs adversaires. Les speedjumpers n'ont pas encore retenté d'approche après leur bref affrontement il y a 10 minutes. Oh, Linji saute en l'air et se met en position lotus. Quelle aura, on pourrait presque ressentir la puissance du vent qui se dégage de lui. Non, ça c'est moi, j'ai mis le ventilateur en marche. Ah ouais, je me disais aussi. Mais ça fait un peu trop de bruit, tu pourrais pas arrêter ça, s'il te plaît. Linji donne un coup tranchant au boarf qui va si vite que Bobobo n'a pas eu le temps de réagir. 9 à 16. Et ça repart, Choco pour Morgan qui passe à Chill. Angel envoie un poker sur Faye qui tombe à terre. Les Américains se placent bizarrement, on dirait qu'ils sont en quinconce. C'est la formation du serpent. Les shooters sont en possession des deux cocards et suivent les handbreakers. Oui, ils tirent sur Xiaoyu et Linji en même temps. C'est le coup du venin de la vipère. Il faut être parfaitement synchronisé. Mon équipe n'a jamais réussi cette attaque en entraînement. Mais là, les deux cocards ont atteint leur cible et les trois attaquants font face au keeper. Jackie arrive à la rescousse et fait barrage de son corps. Chill passe à Choco, tire en rasmote. Mais Shadow a écarté le danger avec un coup de pied. Encore une occasion manquée, une belle défense tibétaine. Du beau coaching de la part de Netero Sensei. Il faut dire que c'est le match de sa vie. Récupération du pouvoir par Linji qui repasse à son keeper pour donner un peu d'air. Et Dracho, tu savais que j'allais avoir un parc d'attractions à mon nom ? Ça t'en bouche un coin, hein ? Et ça s'appellera le Hachipo Park. Quel nom débile ! On verra bien où les gens voudront aller. Ton truc pour gamin, ou bien celui que mon père va construire avec les grands 8 qui déchirent ! Le Super Dracholand ! Et tu savais que des types m'ont acheté les droits pour faire un film sur ma vie ? Eh ouais, et en plus, le tournage va bientôt démarrer. Ils viennent tout juste de trouver un bon acteur. Bon, il est anglais, d'origine russe, mais il est carrément doué, hein. Il s'appelle Daniel Radcliffe. Et il est ici ce soir. Bonsoir à tous. Et oui, je sais que vous m'avez reconnu, je suis Hachipowa. Je suis l'élu. Je protège les otaku contre les menaces de celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom. Sauf que moi, son nom, j'arrive à le prononcer, c'est Waru... Warute... Warude Morute. Faut bosser ton texte, Radcliffe. C'est noté. Mais Powa, tu crois que t'es le seul à avoir reçu des propositions ? Moi aussi, je vais avoir droit à mon biopic. Et ce sera vachement plus intéressant que le tien. C'est un acteur qui s'appelle Tim Futon qui va m'interpréter. Je suis Dracho Malfait, fils de Vicious Malfait. Tremblez devant mon nom. Vous n'êtes que des cloportes et surtout toi, Powa. Non, c'est pas du tout ça ! T'as rien retenu lors des répétitions ! Désolé, mais en vrai, c'est assez difficile de vous imiter, monsieur Malfait. M'en fous ! Tu sors et tu re-rentres ! Et tu fais comme on a dit ! Et l'ingé son, là, Jeff, tu nous mets une musique de One Piece ! Nya, bande de quiche ! Powa, tu vas regretter d'avoir mis mon père en prison. Tu vas connaître la toute-puissance du meilleur élève de la maison Cobra Jobar. Ah bah voilà ! C'est mieux ! Ouais, j'avoue, ça va, c'est plutôt ressemblant. Eh, mais c'est Daniel ! Ça va, mec ? Bah ouais, pas mal. Tu deviens quoi depuis tout ce temps ? T'étais dans une série de super-héros, toi, non ? Oh, tu l'as vu. Faut dire que les pro-comics y payent bien. Ouais, de temps en temps, ça fait du bien de changer de registre. Tu veux aller boire un coup, qu'on en discute ? Carrément. Sauf qu'ils ont de la bière japonaise. Je te jure, elles sont vraiment pas terribles. Je vais demander à ce qu'il baisse son salaire. Tu m'étonnes. Sur le terrain, c'est un nouveau but de Faye. Il y a du relâchement chez les Nord-Américains. 9 à 17. Longue balle du gardien. Choco à la réception. Choco qui zigzague. Mais Jaggy, le shooter du Tibet, veille au grain et lui fait perdre l'équilibre avec un cocard dans les jambes. Xiaoyu n'a qu'à se baisser pour récupérer le ballon et dribble droit devant. Elle y va toute seule et se retrouve rapidement face à Chill et Morgan. Elle passe en arrière par-dessus son épaule pour Linji qui part en diagonale. Attention, aïe aïe aïe, il n'a pas pu anticiper ce cocard qui venait d'un éjecteur. Et il fait tomber le boarf. En réalité, c'est une mauvaise manœuvre de Bu qui a lancé lui-même ce cocard. Parfois, l'aléatoire des éjecteurs donne des résultats inattendus. Choco et Faye se battent pour la balle blanche. Et c'est Faye qui l'obtient, passe à Xiaoyu. Elle tire, la balle rebondit avec un effet, et c'est le but ! Très belle roucoulette ! Je crois que ça vient du handball, faut un bon coup de poignet ! Pendant que les joueurs se replacent, voici la question du jour. Dans le manga Hayashi no Cérès, de quelle race est Cérès ? 1. Une nymphe céleste. 2. Un géant alcoolique. Envoyez par SMS le mot aride au 680... Non, pardon. Envoyez 1 ou 2 au 6-19-96. Hein, c'est ça ? Ouais, bon. Oui ? Voilà, j'ai mis le 1. Ça devrait être bon, là, non ? Non, mais la question du jour, c'est sur votre portable qu'il faut la faire, pas sur le fixe. Ah, pardon. Je voulais vous demander. Je n'ai pas très bien saisi cette histoire de Kiwi et de Danmark. Vous êtes encore là-dessus ? Kami-sama, raccrochez, ne rappelez plus, merci ! Oh ! Oui ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai eu deux de vos collègues juste avant. Est-ce que vous pourriez m'apporter un kilo de kiwi, mon ami ? Linji pour Xiaoyu qui passe à fait. Qui fin des marques 9 à 18. Bobo est dépassé. Il engage sur le côté gauche sur Shoko qui est très proche du mur. Jagi lui envoie un cocard mais il prend appui sur le rebord pour l'éviter. Shoko est tout seul, il arrive devant le keeper Shadow qui est plutôt tranquille depuis un moment. Shoko se met en position, mais Shadow utilise sa technique d'illusion. Il se déplace devant ses buts de droite à gauche si vite qu'on a l'impression qu'il se dédouble. Shoko tente le coup quand même, mais Shadow a fait rempart et a pu dévier la balle qui part vers les spectateurs. Ça sera donc une reprise de match au centre pour les USA. Les joueurs profitent de cette pause courte pour discuter stratégie avec leurs coachs respectifs. Bonjour ami de moi. Hey, c'est toi Yuya, comment ça va? Super, merci. Yuya-chan, ma dulcinée. T'as dulcinée? Hachi, y a mon papa qui veut vous parler. Monsieur Powa? Oui, ici Pegasus Yogurt. Hey, yo Pegasus, quoi de neuf? J'ai fait des recherches approfondies sur Grindelwern. Figurez-vous que contrairement à ce que les médias traditionnels disent, il n'est pas décédé en prison. Vous savez pas qui l'a retrouvé l'année dernière lorsqu'il a fait irruption à la prison d'Impel Down. Il voulait soutirer des informations à Grindelwern sur les trois reliques du monde des ténèbres. Il l'a ensuite laissé s'échapper, et c'est certainement pas la Gazette de Tokyo qui vous en parlera. Non, il n'y a que dans le rat d'auteur qu'on explique tout. En vente dans toutes les bonnes librairies otaku à seulement 400 yens ou 3 livres sterling. Donc, si je résume, ce que vous dites, c'est que ce vieux serait bel et bien le type qui se fait appeler Ami. Dracho mal fait, hein. J'ai déjà eu affaire à votre père, Vicious Malfait. Il a kidnappé ma fille, a menacé de faire fermer mon entreprise, et puis il m'a obligé à travailler pour lui. Je peux sortir avec votre fille? Pardon? Il n'en est pas question. Papa, je peux choisir les garçons avec qui je veux sortir par moi-même. Mais bon, ce sera non de toute façon, Dracho. Pour en revenir à la question de Malfait, je pense qu'il ne faut pas écarter cette possibilité qu'Ami soit Grindelwern ou quelqu'un de son entourage. Bah, ça peut aussi être un fanatique ou quelqu'un qui utilise son image, hein. Même s'il est pas mort, Grindelwern est aussi vieux que Dumbanawa. Je me rappelle que vous aviez dit qu'à l'époque, il avait la tronche de Johnny Depp. Enfin, il y a d'autres sources qui disent qu'il change de tête, hein, genre Colin Farrell, Mads Mikkelsen. Mais si vous voulez mon avis, aujourd'hui, il doit plutôt ressembler au père Fura. N'en soyez pas si certain, monsieur Powa. Tout le monde connaît bien le proverbe. Bishonen un jour, Bishonen toujours. Bishonen? Quoi? Tu sais toujours pas ce que c'est? Alors que le professeur Snap t'avait interrogé dessus l'année dernière? Mais t'es vraiment à la ramasse, Powa? Powa! Quelle est la différence entre un shonen et un bishonen? Un shonen, c'est un manga destiné aux garçons, hein. Et puis un bishonen, c'est un manga destiné aux filles et aux garçons. Powa! T'aurais mieux fait de ne jamais entrer à l'école Jobar! Même ce zéro de Lanzaba, c'est ça! C'est pas comme si ce genre de truc allait avoir une quelconque importance dans ma vie future, hein. Powa, vous êtes un incapable! Un bishonen est un terme utilisé pour des personnages de type joli garçon, généralement d'apparence androgyne. C'est pitoyable, Powa. Mais je jure sur ma vie de vous faire passer vos diplômes. Car je suis... le grand professeur Snap! Mince, depuis quand le fantôme de Snap hante mon esprit? Si c'est récurrent, va falloir peut-être que je trouve un nom pour ça. Les flashbacks du Great Professor Snapchat. Ouais, peut-être pas finalement. Alors oui, Bishonen, un Bishonen. Hey, je me souviens, c'est un joli garçon quoi. Ce que vous voulez dire, c'est que Grindelwern pourrait rester jeune en apparence? Un peu comme Oniwaban. Rappelez-vous, monsieur Powa, que Grindelwern adorait les contes de Shun le Bishonen. Shun le Bishonen. Mais voyons, c'est le recueil de récits qui comprend le conte des trois sœurs. Je vous en avais déjà parlé. Vous ne l'avez toujours pas lu? C'est pourtant un classique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, beau-père. Plutôt me suicider en écoutant un album des BTS que te laisser Mayuya mal fait. C'est pas gentil pour les Coréens. Mais Hachi, tu n'as vraiment jamais lu Kaguya-hime et le coupeur de bambou? Non. L'otaku et le grand pot-au-fou, mais ça ne vous dit rien? Le pot-au-fou? Non, je suis désolé, je connais pas du tout. Le moineau à la langue coupée, mon préféré. Moi, ce que je connais, c'est Calimero. En tout cas, bon, merci de l'info, hein, j'irai voir ça. Je peux aller m'acheter des fondants du shoujo? Bien sûr, ma chérie. Et si tu veux bien, prends-moi un paquet de patanashi. Tu sais, les bonbons au nashi, la pomme poire. Ah, les patanashi, ça me rappelle des souvenirs. Ta maman adorait ça. D'accord, mon papa adorait. Et par ailleurs, il se trouve que le rat d'auteur est sponsorisé par la marque Patanashi. Alors, achetez-en. Ok, alors reprise du match. Toujours 9 à 18 et le coach Soccer Cyborg a eu le temps de remonter les bretelles de ses joueurs pendant cette courte pause. Chill, Morgan et Choco sont plus prudents maintenant. Ils se passent la balle mais n'avancent que très peu. Et c'est une attaque du speed jumper McMahon sur Luku. Il a troqué sa batte de baseball pour un bon vieux sabre. Luku m'a dégainé la vitesse de l'éclair. C'est le duel qu'on attendait. Finalement, ça va se terminer entre les deux speed jumpers. En fait, comme 95% des matchs d'Angelic Killer, ce serait bien qu'ils revoient les histoires de points pour la prochaine version. Ouais, il y a du grand McMahon ce soir. Allez, il utilise la technique du sabre enflammé. Luku n'a pas envie de griller. Il reste à distance. Alors qu'un peu plus loin, les Handbreakers américains se sont approchés et Choco fonce dans le tas. Goal ! 10 à 18. Non, on dirait qu'il est rentré dans les buts avec le poif. C'est difficile à dire. L'arbitre siffle. Ah, je suppose qu'il va y avoir le ralenti. Monsieur Miyagi consulte son assistant Johnny Lawrence. Le Johnny Lawrence ? Des Cobra Kai ? Les Cobra Kai ? C'est quoi ça ? Ce type est une légende dans la maison Cobra. C'était le coach de la plus grande équipe d'Angelic Killer de Jobar. Il a fait gagner la Coupe Daka 6 fois d'affilée à Cobra il y a ça 10 ans. L'équipe était surnommée les Cobra Kai. Et même que la plupart sont devenus titulaire dans l'équipe nationale d'Angleterre. Mon père avait tenté de l'engager pour qu'il reprenne son poste, mais il avait refusé. Et la décision a été rendue. Choco semble bien avoir posé un pied dans le but. Il obtient une pénalité de 10 minutes pour cette faute, et le point n'est pas accordé. Les États-Unis vont être en infériorité numérique. Ils vont devoir compter sur McMahon pour l'emporter, parce que le Tibet va continuer à mettre des points pour s'assurer la victoire grâce aux 15 points d'écart. Et c'est reparti! Toujours 9 à 18 et engagement au milieu de terrain pour le Tibet. Passe en retrait à Liji qui avance lentement alors que Fay se positionne sur le côté. Jordan McMahon fonce sur Wingman Luku mais utilise une technique spéciale à distance. C'est le Moon Flash. Il envoie une attaque qui fend l'air en une croix. Mais Luku réussit à parer. Fay est proche des buts. O'Neill s'interpose. Fay passe la balle en retrait pour Ling Xiaoyu. Elle se baisse, puis tournoie en frappant la balle. Et c'est dedans. Et maintenant, il y a 10 points d'écart entre les deux équipes. Elle a utilisé son Phoenix Strike, une technique inspirée des moines Shaolin. Lukum et McMahon continuent leur baston. L'Américain fait tournoyer son épée et Lukum se retrouve contraint de reculer. C'est encore une balle perdue pour les USA grâce à Bu qui a envoyé un... Comment c'est déjà ? Drive shot ! C'est ça, un drive shot qui a fait mouche sur kill. Linji récupère, il avance et envoie le poire famille au top. Et c'est un minus tempo ! Fait marque 9 à 20. C'est une technique de volleyball qui consiste à frapper la balle avec un timing très précis. Oh là, McMahon est passé derrière Luku, mais Luku lui donne un coup de coude arrière. Et McMahon perd son sabre. Il est déséquilibré. Luku s'apprête à donner le coup de grâce. S'il le met KO, le Kintama apparaîtra. McMahon tente de récupérer son épée, mais Luku est trop rapide. Il l'achève. Luku s'est arrêté. Attends, il aurait pitié de son adversaire, mais il veut faire durer le plaisir. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Tous les anges de combat se sont arrêtés sur le terrain. Bonsoir. Il semble que vous n'ayez pas pris en compte mon avertissement. C'est Ami ! On dirait qu'il manipule l'ange de Wingman Lukum ! J'ai plus le contrôle sur ma console, j'arrive pas à le couper ! Il a dû à quel bâtiment ? Je croyais que c'était pas possible ! Comme je m'en doutais, votre système de sécurité était pathétique. Plusieurs des membres du Parti de l'Amitié se trouvent en coulisses et à l'extérieur. Inutile d'essayer de vous enfuir. Toutes les portes sont désormais closes. Je vous préviens, nous avons exploité les failles holographiques de cette version de l'Angelic Killer. Si quiconque tente de déconnecter le stade holographique ou de débrancher les anges de combat, tous les joueurs ici présents mourront. Moi également d'ailleurs, mais c'est à vous de voir si vous souhaitez sacrifier une quinzaine de célébrités afin de juste sauver votre... secte. Il les prend en otage. Vos forces armées ne suffiront pas à nous arrêter. De nombreux partisans nous ont joints pour mettre fin à la culture otaku. D'ailleurs, ce mouvement a débuté bien avant moi. Je vous l'avais dit, rien n'empêchera l'effondrement de votre société, comme c'était écrit dans le cahier prophétique de Dunbanawa. Les petites manipulations de vos dirigeants n'y font rien. Nous allons supprimer l'Angelic Killer, et cette première défaite va être la pierre angulaire qui va détruire les otaku. Ce fiasco va non seulement vous priver de vos subventions, mais va surtout faire s'effondrer tout votre monde comme un château de cartes. Les ministères de la Japatitude vont disparaître, puis les écoles. Il n'est pas trop tard pour vous joindre à nous, mes amis. Vous, vous qui avez compris que la culture se devait d'être inclusive, se devait d'accepter tout le monde. Levez-vous, et abandonnez votre culte. Rejoignez-moi sur le terrain, je vous accepterai dans mon parti de l'amitié et vous promettrai ma protection. On peut pas laisser faire ça. À tous les coups, il a fait appel à des pro-comics pour renforcer ses rangs. Hachi, c'est Will. Je voulais te prévenir, le ninja a disparu. De quoi ? Il a eu une notification sur son application d'assassinat et il est sorti. Mais Vologe, elle communique avec les coulisses. Tu crois qu'il a pu aider Ami à s'infiltrer ? Boa, je suis avec les frères Rouquins là. J'ai vu pas mal de mouvements dans les couloirs. Attends, je vais voir. Attends, mais c'est pas le manager de Sexitina par terre ? Oui, c'est bien lui. On dirait qu'il est inconscient. De quoi ? Eh oh ! Y'a pas un médecin dans le coin ? Bougez-vous le derche ! Bibi était parti aux toilettes et je crois que Yuya était allé chercher des bonbons. Mais en plus de Sexitina et du ninja, il manque au moins le père de Yuya, Voras Reborn, et aussi le type qui se la pète là. Ah, le petit jeune qui était dans la maison Silverhawks à Jobar. Je l'aimais bien. Oh, Matt Devils. On avait fêté la victoire de son équipe dans mon pub il y a quelques années. Et certainement que d'autres sont partis. Il y avait trop de monde, je n'ai pas fait attention à tous. Vous croyez que certains sont dans le coup ? C'est très probable. Personnellement, j'ai des doutes que Grindelwald soit derrière tout ça. Je lui avais rendu visite en prison il y a quelques années. Il n'avait plus la force ni l'envie de repartir en guerre. Non, pour moi, c'est un imposteur. Mais alors, si ça se trouve, l'une des personnes présentes dans les loges serait Amy ?